Jacques ADAD. Jacques ADAD. Jacques ADAD. Ma jolie, ce soir c'est décidé, je vis tous mes ennuis. Pas besoin de plus, je veux juste t'emballer. Moi plus toi sur moi, sur elle plus nous. Et ça fait vous et ça fait tout. Fais pas la timide, tu sais pas, vu pas pris. Ton CD est connu de Paris à Bali, à Noisy, t'as compris. Ma chérie, je t'en prie. Ton postérieur, ta bouche, ta poitrine, je te dis. De toutes les façons, je finirai par avoir raison. Position, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Ce soir on fait nos bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Mets-toi en position, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Ce soir on fait nos bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Mets-toi en position, bye. Tête en bas, tête en bas, tête en bas, gang. Je veux que tu whine, fais que tu whine, fais que tu whine style. Oui, on fait nos bye, fais nos bye. Please, mes galons, faut du bois, faut du bois. Vibe gal, ready pour un vibe challenge. J'tiens les manettes, on est parti pour le manège. Bouge ton pom-pom comme Mila Melencia. J'aime quand tu donnes ça. Mets-toi en position, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Ce soir, on fait nos bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Mets-toi en position, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Ce soir, on fait nos bye, bye, bye, bye, bye, bye. 3h du mat, on fait une pause, tu bois du coca. T'as l'air perdu comme si t'avais fait Koh Lanta. T'as des courbatures, je sais que tu m'en veux. Assumeras-tu encore quand il faudra faire feu? 5h du mat, on appelle les pompiers. T'as des fantasmes à réaliser. Tu dis que je suis le meilleur, que tu veux m'épouser. Moi j'en ai rien à foutre, je veux juste te donner un chat. Jusqu'à 6h30, seras-tu des taillis? Pour qu'elle en redemande, on fera nos baillis. Fais comme tu le sens, seras-tu des taillis? Ça devient intéressant. Mets-toi en position, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye,